Population du Sénégal, jeunesse de la commune de Louga, Rola Reproduction présente la finale de la deuxième édition de Louga Vacances Loisirs. Le samedi 22 octobre, au Centre culturel régional de Louga, à partir de 18h. Entre unique, 500 francs seulement. Yen Aïssé Nyo Djongante, Aïssé Bugsabop, Aïssé Nerle, Groupe Betty et Aïssé Nice Girl, du danse chorégraphique, culture générale, Miss Tavetan et Yeneni Rubi. Quand vous gagnez la finale, Biren, dénouement le samedi 22 octobre à partir de 18h. Blen Koken Nathalie, nous sommes placés sous le haut parrainage de Adja Amina Tambengendjaï Khali, maire de la commune de Louga, Yagadjap les jeunes sous Louga. Invité d'honneur, Monsieur Salihou Tcham, adjoint au maire de Louga, Adja Aram Koumba de la préfecture de Louga, Adja Fatou Ndiaye Seck, responsable politique, Madame Thioro Ndiaye Diong, la grande pharmacienne, Monsieur Salihou Ndour, chef de la station régionale, Louga FM, Monsieur Ndiawar Seck, président ASC Diamono, Nigue Sele, Laïka Mara policier et le directeur du